Bonjour, j'ai choisi une émission de l'RTBF. Question à la une. Le titre du fragment est « L'école gratuite ». Mercredi le 4 septembre 2013 est la date de diffusion et l'URL de l'émission est mentionnée comme source dans la présentation. L'intro prend 1 minute et le fragment dure 30 minutes. C'est un fragment sans sous-titres. Les minutes exactes sont aussi indiquées dans la présentation. Il s'agit d'une question sur l'enseignement gratuit en Belgique. On doute que les écoles gratuites existent et on discute des coûts de l'école. En plus, nous constatons qu'il y a des différences entre les différents réseaux, ainsi qu'une différence entre le déboursement des subventions par élève. L'émission a lieu place à l'Athénée Adolf Max à Bruxelles. Les enquêtes sont faites partout en Wallonie. On a fait des études dans les écoles privées et publiques. Et on a parlé avec des parents et des élèves de différents réseaux. Il y a beaucoup de choses à constater. Pour montrer les différents cas, on a fait beaucoup d'enquêtes avec des directeurs, des professeurs, des élèves et naturellement des parents. En Belgique, l'enseignement devrait être gratuit pour tout le monde. C'est inscrit dans la Constitution belge. Mais est-ce que la loi est encore censée aujourd'hui? Les écoles gratuites sont rares. Et c'est une utopie parce qu'à ce moment, les écoles sont devenues des entreprises. La Belgique est un marché scolaire avec des différents prix. Les parents paient les frais scolaires et ces frais varient beaucoup. On découvre aussi qu'on demande des frais illégaux. En Belgique, en moyenne, les frais scolaires varient entre 300 et 500 euros par an. Les enquêtes montrent une différence entre les écoles privées et les écoles communales. Les écoles privées sont payantes et sont très chères. Les parents payent environ 1000 euros par mois par élève. On prépare les élèves au jury central et on ne reçoit pas de diplôme reconnu. On y travaille avec de petits groupes de 4 ou 5 élèves, ce qui donne la possibilité aux élèves de suivre tout le temps. De plus, les profs sont tous des universitaires. Pour les professeurs et le directeur, l'école ne doit pas être gratuite. L'école doit inspirer et former des génies. Les élèves s'attendent à des super cours avec les meilleurs apprentissages et les meilleures manières. Les élèves viennent presque tous d'un milieu favori. Il est rare qu'il y ait un élève de la classe moyenne. Parfois, ces élèves ont plus de pression et plus de stress, parce que leurs parents payent les frais. On ne voit pas de parents qui sont au chômage. Les écoles même sont convaincues qu'elles donnent la meilleure qualité de l'enseignement. Pourtant, le taux de réussite n'est forcément pas meilleur. Cependant, il y a de nombreuses écoles à Bruxelles. On constate, il n'est pas normal. Il y en a autant. La discussion ici, l'échec de l'école dans l'enseignement de la communauté française. Conclusion mentionnée dans l'émission, de quelques personnes, les élèves n'ont pas les mêmes chances de réussite. Est-ce qu'on doit favoriser les gens avec plus d'argent ou qui ont une autre situation sociale? On dit que les écoles communales sont gratuites. Même les activités de sport. Les écoles organisent des activités, des soupers, etc. Pour réussir, on a besoin d'un directeur fort. Les professeurs doivent économiser et utiliser des récupes, ce qui ne veut pas toujours dire que c'est mauvais. Ils n'ont pas moins d'activités pédagogiques et selon eux, l'enseignement n'est pas du tout mauvaise qualité. À cause de ce système, les parents peuvent économiser. Les frais varient et sont parfois illégaux. Alors, est-ce que les écoles bénéficient? Dans toutes les provinces, les écoles sont payantes, mais il y a des différences importantes. La plupart des frais sur les comptes des élèves sont pour des photocopies, des dossiers, des classes vertes, etc. Parfois, les parents économisent sur, par exemple, des sorties au resto, du parfum, etc. pour payer ces frais. Les écoles primaires sont moins coûteuses que celles du secondaire. Les écoles secondaires ajoutent parfois des voyages. On mentionne un cas extrême de 2000 euros où on va au Sénégal ou en Grèce. Le directeur est pour cette situation parce qu'il trouve que les élèves doivent s'organiser et doivent travailler. Parfois, les écoles disposent d'un fonds social. Parfois, les frais ne sont pas si hauts par personne, mais si on les multiplie, on parle d'une somme considérable. Si les parents ne peuvent pas payer les frais, les écoles agissent très différemment. Dans quelques écoles, les éducateurs attaquent les élèves personnellement dans la classe. En général, le rôle du professeur est vraiment important. Leur tâche est de motiver les élèves. Les écoles ne peuvent pas punir les élèves dans ce cas. Nous constatons une différence entre les réseaux. Une école libre est plus chère qu'une école de la communauté française. Il y a même un parent qui dit que les écoles libres essayent d'éliminer des catégories de personnes, mais ce cas est difficile de démontrer. Le directeur des finances était vraiment surpris de quelques coûts, par exemple celui des messes. Une liste avec la réglementation des frais existe, mais le problème est que pas tout type de frais n'y sont mentionnés. Les écoles inventent des solutions et mettent tant de choses dans leurs projets pédagogiques. Alors, c'est facile à expliquer. Les frais pour le journal de classe, le bulletin, l'utilisation des chaises à la cantine sont acceptés. Les frais de l'entretien, de l'éclairage, du chauffage et de l'électricité sont interdits. Les frais pour les photocopies demandent toujours une explication. Normalement, le maximum indiqué par la loi est 75 euros par an. De nouveau, une autre opinion. L'enseignement avec une bonne qualité existe, aussi à un prix décent. Le déboursement des subventions par élève varie aussi par réseau. Les écoles libres reçoivent moins que les écoles officielles. Ces subventions servent au matériel didactique et au matériel pédagogique, à chauffer, à organiser et à entretenir les bâtiments. L'école est rarement gratuite et tout le monde n'est pas égal. L'école est parfois un lieu de malaise et pour des parents, certainement pour ceux au chômage, c'est parfois très dur. L'avenir dépend de nos jeunes d'aujourd'hui. On doit y investir. Notre système d'enseignement pose des problèmes et est un sujet de discussion et de changement. À mon avis, les écoles ne doivent pas être totalement gratuites. Dans l'émission, on dit que les parents ne doivent pas payer. Mais si ces écoles organisent les activités, on attend que les parents y participent. Alors de nouveau, ce sont les parents qui payent. D'autre part, je ne suis pas d'accord avec les prix excessifs. Les écoles privées ne doivent pas être si exclusives. Et ce n'est pas juste qu'ils ne donnent pas de diplôme officiel. Je crois que toutes les écoles doivent atteindre les objectifs et que les élèves reçoivent alors un diplôme officiel. Tous les élèves doivent avoir les mêmes possibilités. Riche ou pauvre, meilleur, mieux ou pas, doué ou moins doué. Tout le monde égal pour la loi. Alors pour moi, on peut imposer une loi avec des maxima pour tous les frais et surtout pour les frais de voyage. De plus, l'explication donnée dans la mission concernant le projet pédagogique ne pourra rien changer. un contrôle indépendant sera nécessaire. Je trouve que la qualité de l'éducation dépend d'une personne à l'autre. La tâche des professeurs est toujours de motiver les élèves en utilisant des techniques pédagogiques. Les valeurs sont importantes. Finalement, la différence entre les réseaux concernant le déboursement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est inconcevable pour moi. Je suis pour la différence des réseaux, mais pas sur ce niveau. La liberté de choisir une école est nécessaire, mais dans les mêmes conditions des finances. Alors, à mon avis, il y a du travail à faire.